Mardi 28 mai, bienvenue à cette dernière émission de l'aérospatiale. Gilles Gagné avec vous qui est là pour toute cette belle heure consacrée encore une fois à l'univers des arts visuels. Aujourd'hui à l'émission, Lisette Thibault vient nous parler de l'exposition Jumelage qui est présentée à Engram jusqu'au 2 juin. Fanny Hénon-Lévy est allée faire un tour à la Galerie des arts visuels où elle a vu l'exposition VVV, une trilogie d'Odyssée transfrontière de Patrick Beaulieu. Guillaume Adjutor-Provost viendra nous entretenir au sujet de sa résidence en laboratoire web où il fait une vidéo qui s'intitule « Nouvelles de nulle part » dans le cadre de l'échange du programme d'échange géographie variable. C'est présenté à la Chambre Blanche. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse et Simon Roy nous a fait la sélection. Bonjour Simon. Bonjour Julie. Ça va bien? Pas trop fatigué avec le Festival OFF? Complètement vidé, mais c'est pour une bonne cause. La programmation du Festival OFF est enfin disponible pour tout le monde. Une belle année, la dixième en plus. La dixième, voilà. Des festivités entourant l'anniversaire? Non, on se concentre à faire un beau festival comme à l'habitude. Le 10, c'est seulement un petit 10. On va peut-être en faire encore un autre 10. Donc, on se fait du fun comme à l'habitude. Bon, et cette semaine, Simon, on écoute une sélection que tu avais appréciée beaucoup au mois de mars. Oui, c'est ça. J'ai refait, comme j'ai pas eu beaucoup de temps pour me repréparer, j'ai ressorti. C'est Audioca, c'est Gianpietro Claudio. C'est un Suisse. C'est une prestation qui a enregistré live, c'est durant le festival Les Digitales. C'est un festival qui a lieu dans différents parcs urbains, un peu partout en Suisse. C'est un festival de musique électronique expérimentale, donc on est très loin des raves ou genre d'événements du genre. C'est plus musique contemplative, expérimentale. Les gens sont sur des chaises longues à perte de vue. C'est vraiment drôle de voir la façon qu'ils organisent ça. Donc, c'est ça, c'est un genre de festival qui m'intéresserait. J'adorerais voir Les Digitales. Ça a lieu au mois d'août prochain pour les auditeurs qui sont en Suisse. Voilà. C'était tout, Simon? T'es arrêté là, hein? Oui. OK, c'est bon. J'étais pas sûr, je voulais pas te couper. Ben, Simon Roy, merci beaucoup. Ben merci. Puis ben on se voit pas de l'été, j'imagine. On se revoit. Non, on prend une pause puis on revient en pleine forme en septembre en même temps que les expositions. Bon ben bon été. Bon été à toi aussi. On écoute la première extrait, l'extrait numéro 2 sur les ondes de CKRL. Thank you. On est de retour à l'aérospatiale et pour la dernière fois cette saison-ci, j'accueillerai Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour Julie. Qu'est-ce que t'as comme nouvelle? Est-ce que ça brasse dans l'univers des arts visuels? Pas particulièrement, c'est assez tranquille. J'avais envie peut-être de faire un petit clin d'œil à l'été qui s'en vient justement, notamment avec la première nouvelle, parce que cet après-midi, c'était dévoilement de la programmation du 31e Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul qui va avoir lieu du 2 août au 1er septembre prochain, donc vraiment dans le dernier bloc de l'été. On se projette presque au retour en onde de l'aérospatiale. Alors, une deuxième année consécutive pour le commissaire Serge Murphy, donc directeur artistique de cet événement. Là où l'on verra à l'œuvre 12 artistes de l'Europe, de l'Iran, des États-Unis et du Québec. Le thème qui les unit, c'est agir. Alors le commissaire disait depuis l'an dernier, dans le monde entier, nous constatons une volonté de bouleverser l'art, de faire des changements. Chacun l'interprète à sa façon. Donc l'idée d'agir évidemment sur le monde, la société, etc., etc., etc. Et évidemment, ça donne 12 projets quand même assez éclatés, assez variés qui seront créés en direct comme c'est l'habitude à la de Baie-Saint-Paul. Il y a quand même eu, je crois, à peu près 150 dossiers qui ont été soumis là, pour l'événement. Alors, les artistes retenus, il y a Philippe Allard de Montréal qui, lui, prévoit refaire la rosace de l'église de l'endroit en carton de lait. Il y a l'artiste senior aux sculptures surréalistes Dominique Angel de France. Une jeune artiste atikamekw à l'œuvre engagée qui s'appelle Roma Awashish de Saint-Prime. Une artiste madelinoise qui fait des collages cousus qui s'appelle Marjolaine Bourgeois. Une peintre d'origine chinoise Kai Chan qui habite en Ontario. Une Belge, Barbara Klaus, qui fait des gravures dans le plâtre. Pierre Durette de Montréal, que t'as déjà reçu ici à l'émission, et ses esquisses de petits personnages à l'encre. Ouais, on a hâte de voir, hein. Oui. Je fais une parenthèse parce que Pierre Durette disait que là, il passait à autre chose, mais que son projet au symposium, c'était ça. Donc, comment va-t-il se sortir de son impasse? Dossier à suivre. Oui. Et sinon, il y a également un jeune artiste qui fait des installations à saveur humoristique qui s'appelle Mathieu Latulippe. Karine Payette, qui fait des sculptures contradictoires en matériaux. Un peintre de Vancouver, Matt Chain et une Iranienne Azadeh Tajpour. Et également, il y a une artiste d'intervention d'origine brésilienne qui habite à Québec et Georgia Volpe. Alors, on verra qu'est-ce que ça va donner. Ce sera à la fin de l'été, évidemment. Conférence de presse, donc, qui avait lieu aujourd'hui même. Et c'est rempli de promesses. Oui. Sinon, ben, d'autres éléments peut-être à surveiller au fil des prochains mois. Il y a notamment Amazon, Amazon.com, qu'on connaît évidemment comme lieu d'achat d'un peu tout et rien. Aux disques, aux livres et aux autres produits s'ajouteront bientôt des arts, de l'art visuel et de l'art contemporain. Alors, ils vont proposer d'un côté soit des œuvres originales, mais également des œuvres de reproduction. Alors, ce sera la Amazon Fine Art Gallery qui sera présentée à la presse demain à New York. En fait, ce sera intéressant de voir. On sait que la présence des artistes va permettre au site de légitimer le choix des pièces, la cote des artistes, le prix de leurs œuvres également. Alors, ce sera à surveiller, mais on aura sûrement plus de détails là-dessus demain. Sinon, au Québec, nouveau prix qui sera surveillé via la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec qui va permettre, via un don de RBC, de créer un nouveau prix, le prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec. C'est un prix qui sera remis à tous les deux ans à un artiste du Québec et qui comprendra, entre autres, une bourse de 10 000 $, production d'un catalogue également d'expositions, la réalisation d'une exposition itinérante, l'acquisition d'œuvres du lauréat également par le musée. Alors, c'est quand même intéressant, c'est un beau cocktail. J'ai l'impression qu'on offre à l'artiste lauréat. Alors, on verra évidemment qui sera le premier artiste qui recevra ce prix. Mais pour l'instant, donc l'engagement côté financement, ça représente 4 prix. Donc, le prix est à tout le moins à l'horaire pour les 8 prochaines années. Quand même. Et sinon, en terminant, deux tristes nouvelles. Premièrement, on annonce le décès de l'artiste autrichien Otto Müller, artiste autrichien cofondateur de l'actionnisme viennois. Il y avait eu des condamnations d'ailleurs en fin de vie, notamment pour pédophilie, je crois en 91. Alors, il souffrait de la maladie de Parkinson, problème cardiaque et le reste. Pourquoi on en parle? C'est parce qu'il s'est fait connaître dans les années 60 comme l'un des cofondateurs donc de cet actionnisme viennois. Il réalisait des sculptures à partir d'ordures aspergées de sang, des peintures corporelles d'avant-garde. Il a fait également un scandale par son choix de sujet. Également, autre décès, celui du sculpteur Robert Roussil, qui est décédé la semaine dernière en France dans son atelier. Il avait 88 ans. Lui était grand maître moderne, adepte de la réalisation monumentale. Il avait débuté sa carrière de manière fracassante en 49 avec une œuvre baptisée La Famille. La police saisit la sculpture sur bois jugée indécente d'ailleurs. Maintenant, elle est intégrée à la collection permanente du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ils l'ont mis dans une cellule, hein? Oui. En prison, là. Au poste de police. C'est quand même pas rien quand on y pense là. Et d'ailleurs, au fil de sa carrière, Roussel a travaillé toutes les matières. Attends, je parle matières. De la sculpture, oui, je parle pas de Roussel. Non, okay, je sais. Bon. Roussel donc a travaillé toutes les matières, ciment, acier, bronze, pierre, prédilection pour le bois également. Alors voilà, donc il est décédé également. Et sur ces tristes nouvelles, Raymond, s'achève notre collaboration pour cette année. Exactement. Mais au plaisir de te revoir peut-être l'automne prochain. Certainement. Puis en attendant, ben, on peut quand même t'écouter vendredi pour ta dernière de la vie en BD. Exactement. On fera un petit clin d'œil d'ailleurs côté art visuel à Pierre Girard qui présente une exposition du côté de l'établi. Donc, illustration et art visuel qui se rencontrent à travers la photo. Et voilà. Donc, on s'en va en pause audio. On écoute la pièce numéro 3 de l'album Les Digitales de Tioca. Au retour, on discute avec Guillaume Adjuteur-Provost. De retour à l'aérospatiale, Julie Gagné, toujours avec vous pour cette dernière émission de la saison. Et je suis accompagnée de Guillaume Adjuteur-Provost. Bonjour. Salut, Julie. Guillaume, tu travailles en ce moment, ou tu achèves, en fait, tu termines une vidéo nouvelle de nulle part, 1890-2013, dans le cadre de Géographie variable. Donc, tu fais un laboratoire web à la Chambre Blanche. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que c'est? Je sais que tu t'es inspiré du récit de William Morris. C'est ça. Donc, pour amener donc William Morris qui a plusieurs chapeaux, mais qui a été architecte, qui a été designer, qui a été écrivain, poète, il a fait plein de choses en fait dans sa vie. Puis en fait, à la base, quand je suis arrivé à Québec, j'avais ce projet-là d'aller un peu fouiller dans les archives de l'ancienne école des beaux-arts de Québec. Okay. Ça m'a toujours intéressé de savoir que c'est une ancienne institution qui existe toujours ailleurs, en France par exemple, puis qui bon, est devenue université par exemple. Puis rapidement, ben, ça m'a ramené aussi, tu sais, moi j'ai de la Beauce, en fait, mes parents habitent en Beauce présentement. Puis il y a une industrie qui existait jusque dans les années fin 80, en fait, qui existe depuis entre 43 et 80, qui était céramique de Beauce à Saint-Joseph. Puis ça m'a toujours intéressé, cette fabrique-là de céramique. Puis il parlait souvent dans les archives de l'école, à la fois parce qu'il y avait une école qui fabriquait la céramique et l'usine. Il parlait de ce récit de William Morris, qui était aussi à la base de tout le mouvement Arts and Crafts. Ben oui. Donc je suis retourné, puis finalement c'est vraiment la structure du roman qui est un peu en quatre quarts. Donc il y a un moment du passé, je sais pas si... Parle-nous-en, en fait, du roman, on le connaît de nom, mais souvent les gens ne l'ont pas lu, donc on va situer. Oui, puis c'est ça, donc c'est un homme, rapidement, c'est une soirée bien arrosée, puis il va se coucher. Puis à ce moment-là, on comprend pas tellement de quelle idéologie il parle. Il dit qu'il va pas voir ça arriver. Puis il se couche, puis le lendemain matin, il se réveille. En fait, ça se passe, donc c'est écrit en 1890. Puis donc faut se ramener à cette époque. Puis quand il va se coucher, le lendemain matin, il se réveille en 2003. Okay. Donc, déjà, il est proche d'un peu dans le temps. Il y a 10 ans. Mais bon. En fait, c'est un peu aussi, c'est comique de voir la façon dont 2003 est perçu il y a si longtemps. Puis, on parle encore des saisons beaucoup, là. Donc, le travail à la terre, c'est le temps des récoltes, c'est le temps ouais? de. Ouais, les toits en plomb, tu sais. Donc, on n'est pas encore dans. Ah ouais, boy, hein? Boy, boy. Fait que. C'est ça, donc là, il fait un détour, puis en fait, il est projeté dans cette société, un Londres socialiste, tout simplement, aussi, parce qu'on faut dire que William Morris avait aussi ces idées politiques-là ben assez engagées. Puis, en fait, il y a toute toute l'idée de l'artisanat aussi, parce que à travers ça, il plug sa propre idée de la maison de Red House, en fait, qui est la maison en briques rouges, puis la façon de vivre. Donc, les gens sont souvent des tisserands ou des potiers, des choses comme ça, dans l'univers de son roman. Puis à la fin, bon, il y a une tempête qui le ramène au présent, donc en 1890. Ouais. Puis qu'est-ce qui t'a inspiré, en fait, dans ça, pour faire un projet à partir de cette histoire-là? En fait, c'est que c'est ça, donc en fait, j'étais un peu dans. Ben, la première chose qui m'a ramené vraiment à ça, c'est que je lisais donc les archives de l'École des Beaux-Arts, puis je trouvais pas vraiment nécessairement quelque chose qui était intéressant pour un projet artistique. Mais il y avait le discours du premier directeur, en fait, qui est arrivé, qui lui s'inspirait du modèle des Beaux-Arts de Paris. Puis quand il est arrivé, il a fait un discours d'ouverture dans lequel il disait que ce serait intéressant d'avoir au Québec un art du terroir, un peu comme à Limoges. Ouais. Cette idée de construire un art national à l'époque et tout ça. Oui, puis c'était très dans le fer. C'était très constructeur d'identité. Puis c'était un peu un métier d'art, finalement. Donc, il y avait des publicitaires, il y avait des gens qui travaillaient, donc, c'est ça, l'ébénisterie, puis la poterie. Puis bon, je pense que la poterie, ça a toujours été quelque chose qui, déjà, je dirais pas que je collectionne, mais je suis quelqu'un qui adore acheter des choses qui ressemblent à de la poterie. Mais t'aimes beaucoup les artefacts, hein? Je te suis sur Facebook, ouais. Les roches, les objets, tu ramasses. T'as pas l'air de collectionner, mm-hmm. mais t'aimes beaucoup les mettre en valeur aussi, fait que j'imagine que... Ouais, ben c'est toujours de créer un rapport dialogique entre tous ces éléments-là. Donc je crois que mon travail tranquillement aussi évolue vers cette idée-là de créer toujours des dialogues, puis de mixer un peu cette espèce de zone floue entre la production artistique, donc être un artiste, puis en même temps aussi toute l'idée de vraiment créer un dialogue, un peu comme le ferait un commissaire, donc... D'ailleurs, je travaille beaucoup là-dessus aussi, donc au doctorat, là, que je suis rendu à Montréal pour travailler là-dessus. Oui, d'ailleurs, tu parles de commissaire, en fait, puis bon, tu parles de commissaire, de dialogue, tu parles aussi de William Morris, Arts and Crafts. Moi, je sais que quand tu avais, je pense, il y a 2 ans, quand tu as fait ton projet de maîtrise, ouais. Hydra, tu t'intéressais justement à l'idée de Gesamtkunstwerk, qui est l'œuvre d'art ben, totale. Qui est pas loin, là. Ben, William Morris, j'imagine aussi, parce que Arts and Crafts, la fin du 19e siècle, on rêvait de cette œuvre-là totale. C'est vraiment une forte inspiration pour toi? Oui. Définitivement. Puis, il faut dire que mon parcours, c'est académique, on va dire. Bon, pour le citer, c'est ça, j'ai commencé en design. Puis, ça m'a toujours intéressé l'objet à la base. Mais en même temps, je m'aurais vraiment pas vu avoir une production de designer ou même de graphiste dans ce sens-là. Puis, ça a toujours été fait dans l'idée d'avoir une production qui était dans un discours artistique. Donc, c'est sûr que là, je réapproprie dans ce sens-là. Puis, donc tous les gens qui ont des discours aussi qui étaient un peu multiples, qui prenaient des embranchements, qui n'étaient pas non plus fixes, qui n'étaient pas dans une discipline. Déjà, les arts visuels avec des S partout, on sait que c'est déjà multidisciplinaire, ben ouais. Mais c'est comme pas assez encore, il faut aller chercher ailleurs. Ben oui, parce que toi, tu t'intéresses au design, tu t'intéresses à l'écrit, tu fais de la performance, tu dessines, là, tu fais de la vidéo, tu sais, comme tu navigues un peu partout, là. Oui, ben je pense qu'on est chanceux aussi de pouvoir s'approprier ça sans trop le justifier, finalement, parce qu'on est dans cette époque aussi qui est tellement multiplateforme. Et si on revient un peu à Nouvelles de nulle part, donc tu t'es inspiré du récit de William Morris, où là, justement, bon, tu m'as parlé des céramiques en bosse, puis je sais aussi que tu travailles sur une expédition archéologique ou quelque chose comme ça, là, à Chypre, je crois. C'est ça, sur l'île de Chypre. En fait, donc j'avais tout ce discours-là que je voulais... accordé finalement aux poteries anciennes du Québec. Déjà en partant, c'était un peu un point de départ. Tu t'ancres vraiment, je m'ancrais là-dedans. Généralement. Tu sais, j'aimais bien l'idée du territoire et tout. Puis en même temps, avec la force du projet, en fait, c'est qu'on est arrivé avec des descriptions, je dis on parce que je travaille aussi avec un technicien qui m'aide beaucoup dans le projet, Pierre-Luc Lapointe, pour le nommer. Puis c'est ça, donc là, on trouve ces descriptions de poteries anciennes. Puis à partir des descriptions uniquement, on est allé dans la collection, parce que c'est un projet aussi que j'avais un peu travaillé avec la collection avec Hydra il y a 2 ans, donc la collection muséale de l'Université Laval. Puis on est allé là, puis on en fait, ce qu'on a utilisé, c'est pour créer la vidéo, donc tout ce qui est capté, c'est des éléments qui viennent de Chypre, de différentes époques, donc médiévales, de l'âge de bronze, de différentes époques de poterie de l'humanité, on va dire comme ça. mais sont jumelés, sont couplés à des descriptions de poterie de la fin du 19e, grosso modo, du Québec. Okay. C'est intéressant, cette espèce de, d'aller-retour-là, finalement, de, bon, qui est un léger mensonge, finalement, auquel on passe, puis on colle assez rapidement à cette idée que, finalement, les poteries sont quasi-industrielles, parce que c'est un peu avant l'époque industrielle, donc c'est encore des poteries qui sont faites à la main, tout comme ces poteries étaient faites à la main, mais il y a quand même des centaines d'années. Puis donc là, c'est une partie de la vidéo qui est ça, un peu cette idée de la distance entre la réalité captée, puis finalement aussi qu'on essaie de percevoir à travers, aussi de donner un discours sur le fait même. OK. Puis dans le fond, ton récit est cyclique aussi, donc j'imagine reprend comme les quatre temps du récit de Morris. Oui. Donc les quatre temps reviennent, donc il y a cette section-là qui correspond à un des quatre temps. Ensuite, il y a une transition qui donc avec un des bols, en fait, qui est vraiment un bol qui a été récupéré donc à Soli, qui est une ancienne nécropole sur l'île de Chypre. Donc, ce bol est récupéré, filmé. On l'a ensuite numérisé en trois dimensions, donc un scanner 3D. Puis, la modélisation 3D nous amène à glisser vers une diapositive qui est la documentation de la fouille elle-même. Donc, on voit le pot dans son contexte de découverte. C'est assez intéressant. Puis, en fait, toutes ces diapositives-là, qui est, la troisième section donc, du projet, la façon dont ils se déroulent, c'est qu'ils sont, ils sont changés par la respiration du narrateur. Okay. Donc, le narrateur qui est Gisèle Wagner, en fait, qui travaille à la collection, puis qui, elle, faisait partie de l'expédition à Soli en 74. Ah, quand même, hein? Donc, vraiment, elle incarne le pont entre tes deux mondes. Puis là, il y a vraiment des strates de temps, puis c'est super intéressant parce que là, c'est très politique, en fait, ce qui est raconté à travers ça. Parce que les fouilles, en fait, elles étaient là au mois de mai, elles devaient retourner au mois de novembre. Puis entre-temps, avec la situation avec Chypre, en fait, c'est que les Turcs qui cohabitaient quand même ont pris d'assaut la partie nord de l'île, puis Soli se retrouvait entre ces deux parties, entre le nord et le sud. Puis Soli et cette maison qui était habitée par l'université, par différents chercheurs qui venaient fouiller depuis déjà presque 10 ans, a été... pris d'assaut, on va dire, mais a été pris par des soldats turcs. Ouais. Puis, en fait, tout est disparu, ce qui est à l'intérieur, donc, et ses notes et tout. Donc, elle raconte ça à travers. En fait, c'est une autre construction, encore une fois. Ouais, fait qu'il y a une dimension personnelle, en fait, à ce qui peut être considéré comme une dimension archéologique, anthropologique, à la limite historique aussi, là, parce qu'il y a tout un travail de recherche, toi, que tu fais, là, tu pars pas, pas comme ça, OK, je fais ça, puis je me lance aveuglément, là. Ben c'est, en même temps, faut être à l'écoute du contexte, parce que je suis pas arrivé en disant je fais ça aveuglément, puis je sais. J'essaie de trouver des choses quand même. J'avais ce récit-là qui m'a intéressé quand même d'avoir des sections correspondantes, puis qui faisaient un sens, puis qui devenaient une œuvre aussi qui était circulaire, donc qui a pas de début vraiment et de fin. Donc, chacun des cycles nous amène au cycle suivant. Donc, ça revient également à la fin qui est, donc après les diapositives, c'est une vidéo d'un scarabée, en fait, qui nous ramène, en fait, un des scarabées aussi qui se promène dans les diapositives, qu'on va se promener tranquillement. Puis, c'est un bousier, donc c'est un bousier, il y en a partout dans le monde. Puis j'en ai trouvé un au Québec, en fait, chez mes parents. Puis, ah oui? Grosse bébite, là. Ouais, gros comme un pouce. Mais cette idée, justement, tu dis, donc, chaque cycle amène à un autre, c'est comme un recommencement, j'imagine, qui est aussi pas mal évoqué dans ta vidéo. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas de fin, finalement, là, ça... Ça dure combien de temps, tout ça? Là, je suis rendu... faut dire qu'on est encore en train de terminer. Oui, parce que là, tu te présentes jeudi à 5 heures, là, 5 à 7 d'ouverture à la Chambre Blanche. Il est moins une. On est en train de faire les dernières corrections, les mises à niveau pour tout l'univers sonore aussi qui est en train d'être créé pour ce vidéo-là. Donc, tout ça, c'est des petits ajustements pour être sûr que tout fonctionne. Mais de 22 minutes environ qu'on est rendu. 22 minutes, puis ça va être hébergé sur le site web de la Chambre Blanche. Ah, j'imagine, oui. Ouais. Ah, bon, mais j'allais te demander, sais-tu pour combien de temps? Est-ce qu'il y a une durée déterminée? Projet, tu vois, c'est ça, c'est drôle, j'en ai même pas parlé avec François, mais tout simplement, c'est ça. Donc, moi, j'étais là aussi avec l'idée de web, technologie, c'est de trouver une façon de faire... d'organiser tout ça, puis j'imagine, ça va être sur le site web. C'est écrit dans le communiqué, parce que moi, je me demandais combien de temps ça allait être présenté. Dernière question, Guillaume Adjutor-Provost, c'est dans le cadre de Géographie variable, justement, donc un programme d'échange de résidence au Québec, en France, puis pour ta résidence à la Chambre Blanche, t'étais comme jumelé, si tu veux, avec Laurent Dibiaz, donc artiste, c'est ça son nom, ok, c'est bon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter un peu, d'échanger, Bien, on se croise distance nécessairement aussi. Il faut dire que en même temps, à Québec, bon, je passe du temps aussi avec mes amis parce que j'étais à Québec pendant longtemps. Puis, donc, le technicien qui travaille avec Laurent, c'est Boris Duménil-Poulin. Okay. Donc, c'est un bon ami qui travaille chez Avatar. Puis Laurent, oui, on a eu l'occasion de discuter un peu sur son projet. Lui est beaucoup dans l'idée de captation aussi sonore. Je crois qu'il est passé à l'aéro, si je ne me trompe pas. Non, je ne l'ai pas. Je pense qu'il était passé. Bon. Non, j'ai tellement de choses à parler. Il faudrait. Il est très intéressant. Et là, puis, c'est la dernière émission, mais peut-être, qui sait, un retour. Ouais. Mais avez-vous eu l'occasion d'échanger, ça s'est passé tellement vite. Ou de... Ça s'est passé vite. Déjà aussi, c'est une drôle de moi aussi pour moi. C'est, finalement, j'étais jamais 3 jours de suite à la même place. Donc, des fois, j'étais à Québec, je retournais à Montréal. Pour ça, je partais un peu ailleurs. Puis on s'est croisés. Mais c'est ça. J'étais impatient de voir son projet aussi final pour qui pour sera jeudi. Aussi présenté jeudi, voilà. En 5 à 7. Ouais. Guillaume Adjutor, bravo. Merci beaucoup. Donc, comme on le dit, 5 à 7 d'ouverture jeudi prochain à 5 à 7, c'est à 17h à la Chambre Blanche. Donc, pour le projet Field Fiction de Laurent Dibiaz et pour Nouvelles de nulle part 1890-2013 de Guillaume Adjutor-Provost. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Fanny et non Lévy. Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com. Le Centre Espoir Charlebourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile. Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 418-623-7783 ou par le site internet centreespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. Du 13 au 16 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 30e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Un festival qui vous offre la possibilité d'allier économie et écologie. Une navette partira de Québec pour Tadoussac de la gare du Palais, vendredi le 14 juin à midi. Le retour vers Québec se fera dimanche le 16 juin à 13h de Tadoussac. 20$ par trajet. Paiement sur place en argent comptant. Informez-vous sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Du 13 au 16 juin, Desjardins présente, en collaboration avec Hydro-Québec, la 30e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Si tu savais, pour toi j'aurais voulu changer. Il fait chaud, ça sent le fantôme, le sweet, le fumier du printemps. Avec Bernard Adamus, Lisa Leblanc, Nomadic Massive, Canaille, Kate Kuna, Marie-Pierre Arthur et plusieurs autres. On est parti bon matin pour Québec, tout à la bêche, quand t'as qu'à sortir 138, on pogne à flat, c'est bon la bêche. Le Festival de la chanson de Tadoussac, le plus grand des petits festivals. Informez-vous au 1-866-861-4108. Mis en vente sur chansontadoussac.com. Une invitation de la bière Belle Gueule. Elle s'appelle Fillette au grand yeux, elle s'appelle Marchand au melon, elle s'appelle Comtesse Saint-Gueux, elle vit est belle sous ses jupons. Ce soir, à CKRL, de 22h à minuit, c'est l'émission Fréquence, le rock de A à Z des années 60 à aujourd'hui, animé par François Thériault et Martin Anger. Et à minuit, c'est Federation Invasion, le dance hall new-yorkais au sommet. Bonne soirée sur le 89.1. Oh. Il est 18h, on entame la dernière demi-heure de la dernière émission de la saison de l'aérospatiale. Avant de l'entamer plus avant, je vous invite à visiter notre site internet l'aérospatiale.wordpress.com. On y trouve les émissions en balado-diffusion, les liens pour le téléchargement des pièces de Simon Roy, ainsi que les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, les communiqués de presse et tout ça. On est un peu moins actifs au courant de l'été, mais on est là quand même. S'il se passe des choses, on les publie. Également, vous pouvez venir nous voir sur Facebook. Et là, ben, pour la dernière chronique de la saison, j'accueille Fanny Hénon-Lévy. Bonjour! Allô, Julie. Ça bonjour à tous. Ça va bien? T'es allé faire, en fait, je t'ai mandaté, je t'ai envoyé à Galerie des arts visuels pour voir l'exposition de Patrick Beaulieu. Oui, oui, oui. Un beau voyage. VVV, une trilogie d'Odyssée transfrontière. C'est intriguant, le titre, hein, déjà. C'est le VVV, il sort un peu de... En tout cas, on peut s'imaginer tout un tas de choses, un voyage transfrontière. Tu sais, tu te dis, ok, où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je m'en vais dans la troisième dimension? Pas du tout. C'est très concret. Il nous propose, c'est une invitation au voyage et à la fois mêlée d'un carnet de voyage scientifique, trois aventures assez singulières, mais qui sont toutes en lien. J'ai trouvé ça à la fois très poétique, philosophique, scientifique, parce que quand même très bien très fouillé, documenté, hein. Très bien documenté, assez réfléchi. Visuellement, ça se tient aussi assez bien. On a trois voyages, donc le premier ou le dernier, on les prend dans l'ordre qu'on veut finalement. Ben ouais, hein. Vecteur Monarque, le deuxième c'est Vegas, le troisième Venturi. Donc Venturi, c'est un voyage qui est dirigé par le vent à la poursuite des vents d'Amérique. Donc c'est rien que ça, déjà c'est une ode à la nature, puis rapport à la direction au hasard. C'est vraiment l'absence de contrôle personnel, en fait, sur comme notre destinée, entre guillemets. Hein. Ben c'est un peu j'ai envie de te dire que c'est un peu ce qui tisse le lien entre ces trois voyages et ce qui est donné à voir et ce qui est donné à comprendre aussi de cette expo là, c'est le rapport de l'homme et son destin, le hasard, oui, mais en quoi il peut être moteur, en quoi l'autre peut avoir un rôle dans cette destinée là, trouver un sens aussi, tu sais, à partir de quelque chose qui est pas qu'on a, en tout cas. Oui, qui est pas palpable. C'est ça, une décision qui est pas la nôtre nécessairement. Complètement, mais quelque part on influence d'une manière ou d'une autre, puisque là lui concrètement dans Vegas, il fabrique une roue de fortune, et non pas, à ne pas entendre roue de la fortune, mais une roue de fortune sur laquelle il y a des mots comme liberté, armée, fortune, déclin, donc fois 13, 13 mots, et comme il invite, mélangé la carte de tarot puis le jeu de hasard. C'est ça. Donc, de toute manière, il réfléchit, c'est sûr, l'astrologie, bon, ça, c'est presque annexe, mais alors là, t'es amené, il invite le public des villes dans lesquelles il va se rendre, donc pendant 21 jours, à tourner cette roue-là, et le mot sur lequel la personne tombe va être le mot de prédilection, l'humeur, le feeling qui va accompagner le voyage du jour suivant. Donc c'est quand même assez extraordinaire, et là on se pose la question, okay, cette rencontre-là, en quoi elle va influencer mon destin? Mais c'est lui qui la provoque, cette destinée-là, de manière détournée. Donc c'est intéressant de son rapport au territoire aussi, de partir d'un point A jusqu'à point B avec un nombre de jours déterminé. Dans les trois voyages, c'est vraiment ça. Dans Vecteur Monarque, c'est un petit peu différent. On suit la destinée des papillons, leur migration. Les monarques, donc. Donc les monarques, les papillons monarques, ils partent jusqu'en traversant l'Amérique, ils arrivent au Mexique, et là ils arrivent donc par millions. Précisément, en plus, le jour des morts au Mexique, donc il y a une symbolique qui est quand même forte. Hein. Puis en même temps, l'idée de suivre les monarques aussi, tu sais, c'est comme... C'est complètement fou, là. Tu sais, comment ils ont pensé? Parce qu'il était avec un écrivain, j'oublie son nom. Il est avec Daniel Canty. C'est ça, Daniel Canty. Comment ils ont pu penser, dire, on suit les monarques, puis on s'arrête en même temps qu'eux et tout ça. Là, il y a quand même une folie qui est assez incroyable. Je sais pas d'où c'est parti cette idée-là. Non, je m'en doute bien. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que nous-mêmes, on est en quête aussi, et on est en transit assez souvent. Cette situation d'errance, on la vit de près ou de loin, mais c'est une la migration. On est quand même des peuples. Là, on est rendu citadin. On a des belles maisons, etc. Mais on était à l'origine des peuples en mouvance vers des territoires inexplorés, vers des territoires lointains, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de suivre, de partir de l'animal, qui est finalement notre nature profonde, pour réfléchir cette question-là de la quête et du territoire, et de traverser comme ça la traversée de l'Amérique parce que c'est comme la diagonale complète. C'est carrément la diagonale. Du Nord, à tout le moins. Puis bon, alors à travers ça, si on parle un peu des visuels, du visuel de l'exposition, parce qu'on est un peu là pour ça. Ouais, parce qu'on n'est pas uniquement dans la trace là. Il n'y a pas juste des feuilles qui vont nous présenter ce qui s'est passé. Là. Non, c'est quand même un compte rendu. Je le disais au départ, on est vraiment entre poésie, philosophie, science. La science est très présente, plus précisément pour Venturi qui suit le vent. Donc on a des éléments comme la girouette, le manchon à air, le virevent qui sont présents dans l'exposition. La girouette qui est faite maison, qui est quand même assez belle, qui était sur la voiture. Ça, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait. J'ai posé des questions, mais il y avait 4 numéros. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, mais il y a quand même une recherche scientifique, puis des écrits de Daniel Canty, on en a parlé, qui retrace de façon poétique aussi ce voyage-là, qui décrit, mais qui aussi permet de rendre transparent aussi l'idée d'origine que porte Patrick Beaulieu. Donc c'est une expo, moi, qui m'a énormément stimulée. Visuellement, elle est un tout petit peu hermétique, c'est-à-dire qu'on est en face de chiffres, c'est très propre, les impressions sont superbes. Oui, c'est ça, puis il y a même des pages de livres, par exemple, sur les insectes, tout ça, en espagnol, je pense. Il y a des pages de livres, il y a également des livres, il y a 3 livres qui ont été écrits, donc un récit de voyage à chaque épopée. Il y a même un fauteuil, on peut s'installer pour lire tout ça. Il y a des vidéos aussi pour chacun des voyages. Des vidéos, des prises c'est assez sensoriel pour Venturi, c'est flagrant. On a des vidéos finalement assez abstraites et très concrètes en même temps. Ouais. On peut voir aussi pour Vegas, là, on voit les gens justement qui tournaient cette roue-là, puis la réaction des gens aussi, c'est beau quand même de voir ça. Les gens devaient les trouver complètement fous là, de partir de même, puis on voit la réaction de la dame qui tombe toujours sur Fortune notamment. Hein. Ouais, puis la roue est vraiment, c'est très très bien fait. C'est vraiment tu sens un artiste d'expérience. Moi, j'ai été très impressionnée par ça. J'ai trouvé que je trouve que ça fait du bien. C'est très construit. Tu sens que ça l'habite, qu'il y a une quête. Même dans cette expo-là, tu sors de là, tu fais OK. Et puis moi, ma destinée. Qu'est-ce que je fais là? Tu sais, c'est ça. C'est où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que je dirige quelque chose? Est-ce que je suis capable de maîtriser ça? En tout cas, le rapport à l'espace, au temps et à l'être, ces réflexions-là, je les ai vraiment trouvées intéressantes. Puis le rapport à la machine, qu'on voit un peu moins, est aussi intéressant, parce que pour chaque voyage, il y a un véhicule choisi. Oui, hein, pas n'importe lequel. Là. Pas n'importe lequel, donc des voitures de collection, des formes, j'ai pas les modèles en tête, puis je les ai pas notés, mais le rapport homme-nature-machine, avec tout pour Venturi encore, avec tous ces éléments de calcul scientifique qui te permettent de te diriger, en quoi ça vient encore une fois infuser notre quotidien, en quoi ça vient influencer notre rapport aux éléments. Ça, je trouve ça vraiment fort comme réflexion, ouais, ouais, parce qu'on n'a comme pas ça. De réponse. Là, tu parles, puis on parvient pas à déterminer quelque chose de précis. Là. C'est comme la réflexion est lancée. Maintenant, on la continue, mais elle s'arrêtera pas, cette réflexion-là. Là. Ben, il n'y a pas de réponse nécessairement. Là. Non, puis finalement, on n'en cherche pas. Mais c'est sûr qu'on pourrait se dire, OK, c'est une expo d'art visuel. Le voyage, la façon dont c'est traité, il y a quelque chose de très droit. Tu sais, on n'est pas habitué, on est moins habitué. Mais il y a le concept, c'est vraiment un artiste conceptuel. Le travail autour c'est du concept. C'est assez performatif aussi, là, quand même, parce que de partir comme ça sur plusieurs jours, il y a un côté un peu rituel aussi. Il y a une mise à l'épreuve. Il y a une mise à l'épreuve de son propre corps, c'est clair. Là. C'est clair que le côté performatif, il est présent à travers ses voyages. Puis dans l'agir aussi, là. Ben, il est présent à travers ces voyages-là, mais il l'est moins, c'est là-dessus que je voulais arriver, ouais. C'est il l'est moins visuellement quand tu visites l'expo. Si tu veux, c'est des traces, oui, il y a des vidéos, oui, il y a des cartes avec des points précis, le nombre de jours numérotés en lien avec les lieux qui ont été traversés, qui te permettent de comprendre, mais t'as pas d'immersion, il y a quand même une mise à distance de ce rapport-là au voyage. Ouais, on voit pas, mettons, l'artiste en train de faire une chose, là. Non, mais si ça vous intéresse d'aller voir, allez voir l'expo, c'est sûr, là, c'est ça vaut vraiment la peine, c'est une très très bonne expo. Ça vous intéresse d'aller fouiller un peu plus chacun des voyages à son site internet également. Qui lui vient préciser, amène d'autres vidéos également et vient préciser chacun des projets. Donc ça, j'ai trouvé, c'est ça poursuit aussi. C'est, si tu veux fouiller, il y a quand même matière. A. Puis les textes de Daniel Canty sont remarquables, sont très très bien écrits, assez fluides et parlent beaucoup aussi de la démarche elle-même de l'artiste. Donc c'est un autre aspect, l'aspect littéraire et poétique. Ça vient vraiment donner une autre dimension à ce côté très très linéaire, très droit. Eh bien, Fanny Hénon-Lévy, merci beaucoup. Merci, Julie. Donc, VVV, une trilogie d'Odyssée transfrontière de Patrick Beaulieu, présentée à la Galerie des arts visuels jusqu'au 9 juin. Jusqu'au 9 juin. Et on s'en va en pause audio, on écoute la pièce 8 de l'album « Digital ». We'll be right back. Voilà, c'était un extrait de l'album Les Digitales d'Audioka et je recommence, Digital, qui est un festival qui a lieu en Suisse, dont Simon Roy nous a parlé plus tôt en début d'émission. Pour notre dernière intervention de la saison, on accueille Lisette Thibault. Bonjour. Bonjour. Lisette Thibault, vous participez à l'exposition Jumelage qui est présentée en Gramme, qui jumelle, je sais pas si on le dit comme ça. En ce moment, c'est en deux parties, mais dans cette partie, Madeleine Sanson et Sally Eyre, vous... avec Doug Guilford. C'est ça. Lise Vézina et Penelope Stewart, donc des artistes ontariens qui sont associés à la galerie Open Studio. Au centre d'artistes plutôt. C'est Open ça. Studio à Toronto. Donc, cette collaboration-là a été amorcée en 2010. Oui, à l'automne 2010. Et là, on 2010. Présente en 2013. Hein, il y a quand même un certain temps qui se passe. Et ça a été amorcé en 2010 et c'était en vue de fêter l'anniversaire, le 40e anniversaire des deux centres d'artistes. OK, voilà. Donc, alors, Open c'est pour Studio ça. Exact. Okay. En 2012, en fait, comme la programmation se fait de 2012 à 2013, ben, c'est la raison pour laquelle l'exposition de Québec se tient à ce moment-ci. Et en Ontario, il y a eu une exposition qui s'est tenue en décembre 2012 à la galerie John B. Aird. À Toronto même. Voilà. Et cette collaboration-là, donc, le jumelage a été fait de quelle manière? Parce que là, on parle, il y a 6 artistes dans cette exposition-ci, mais à partir du 8 juin, il y a une autre 6 autres série artistes. C'est ça. Et alors, il y a 6 artistes d'Engramme qui ont été jumelés à 6 artistes de Toronto, de Open Studio. Les artistes ont été choisis en fonction de leurs démarches respectives pour les jumelages, en fait. Alors, chacun a amorcé une période de réflexion après lors d'une rencontre qui s'est faite au centre de Open Studio en octobre 2010. Alors, on a fait un séjour de résidence à Open Studio pendant 5 jours. Et les artistes... Ah, c'est peu, hein? Oui, ça a été... C'est peu, mais il y avait aussi un événement qui est international, Printopolis, qui est un événement relié à la gravure également, à l'estampe. Alors, on a eu 5 jours pour participer à ce colloque-là. Et ensuite, les 5 autres journées ont été... les rencontres entre les artistes se sont faites. Et par la suite, en novembre, les artistes de Toronto sont venus en Grande Toujours Québec, en 2010. Toujours en 2010. Alors, les artistes se sont rencontrés, ont parlé de leurs démarches respectives, ont parlé du projet qu'ils voulaient faire. Alors, parce c'est que comme c'est ça. C'est pas une question d'exposition individuelle côte à côte, là. On vous plaçait pas à côté voyons, j'oublie tout le temps son nom, de Doug Guilford. Comme ça, il fallait quand même que ça On avait des démarches respectives. On avait ensemble. Des démarches qui s'apparentaient très bien. Lui, est influencé par la nature, surtout du côté aquatique. Moi, je suis intéressée par la nature aussi, surtout au niveau terrestre. Je travaille avec des plantes vasculaires et lui, je travaille beaucoup avec la cellule aussi. Alors, nos démarches allaient très bien ensemble. Lise Vézina et Penelope Stewart, quant à elles, s'intéressent beaucoup à tout ce qui est architectural, et ce sont des collectionneuses. Elles collectionnent les dentelles vintage. Ouais. Alors, leur travail, il y a toujours une ressemblance, une dissemblance entre la dentelle, les éléments architecturaux. Et quant à Sally Eyre et à Madeleine Sanson, elles ont exploité surtout les émotions par rapport à la distance. Sally a travaillé en fonction d'objets qu'elle avait trouvés dans sa terre natale. Elle est née à Terre-Neuve et Labrador. Elle avait accumulé plein de vestiges là, de ramasser sur les plages. Ouais, des cailloux, d'algues, de cailloux, de coquillages. Et elle avait aussi une correspondance entretenue entre sa mère et son père pendant la guerre. Alors, elle avait des extraits de lettres qu'elle a utilisés d'ailleurs dans son travail. Ouais. Et quant à Madeleine, elle a évoqué... la mort de son père dans son travail par des poèmes de Maria Rilke et par un travail sur qu'elle a tiré d'un livre de botanique du 19e siècle. Alors, Donc, pour les deux, l'écrit prend une grande place. Oui, c'est ça. Et Doug et moi, Doug, lui, a travaillé avec des cellules. Et alors, on a décidé de faire 121 gravures la façon dont on travaillait, c'est qu'on avait 62 gravures à faire. Okay. Et notre double était, on le faisait en double, ce qui donnait 121, 122. Notre double était envoyé à notre partenaire et on assemblait chacun à notre façon le montage, l'assemblage de 121 oui, c'est ça, donc c'est des, alors on a deux gravures, travaux. Des photogravures puis des eaux fortes. Exact. Que exact. Vous avez cousu ensemble en une sorte de patchwork, si on veut. C'est ça. Alors, ça fait comme une mosaïque. Alors, moi, c'est plus des structures organiques et Doug, ce sont plus des cellules. Et vous avez fait laquelle? Parce que j'ai pas pensé. J'ai celle qui était... Il y en a une qui est suspendue, qui tient à un fil. Oui, c'est la mienne, celle-là. Alors, comme la mienne était exposée à Toronto, en fait, était suspendue et tout en vue, j'ai rendu l'appareil à mon partenaire. Cette fois-ci, j'ai présenté la sienne au mur pour qu'on la voie très bien. OK, parce que c'est comme ça, dans le fond. Vous avez décidé de comment ça serait présenté ici. Oui. Et les artistes torontois ont décidé de la manière dont ça serait présenté oui. à Toronto. Mais remarquez que on a présenté pas mal de la même façon. C'est sûr que la dimension de la salle n'est pas la même, non. La configuration de la salle n'est pas la même, mais Doug et moi, en tout cas, on a présenté de la même façon, sauf qu'on a inversé les œuvres, okay. tout simplement. Mais les mêmes pièces apparaissent dans les deux œuvres. Oui, donc alors, là, il y a juste, toute l'organisation. C'est là. Ça, c'est ça. Et quant à Alice Vézina et Pénélope, elles ont mis quelques pièces en moins parce qu'on aurait manqué un petit peu d'espace. Oui, parce qu'en grande, quand même, hein, c'est une belle galerie, mais c'est pas c'est évident. Petit. Et QCT, si nous avions été 12, c'était ouais. Mission impossible. Ah, donc c'est pour ça que ça a été séparé, exact. C'est pour ça que c'est en deux temps. C'est pour ça que c'est en deux temps. Parce qu'à Toronto, ça devait être en même temps, j'imagine. À Toronto, c'était en même temps, mais la galerie était immense. Et même avec les 12 artistes présents, il y avait encore beaucoup de place. Voulez-vous que je vous parle un peu des autres artistes? Vous me devancez, j'allais vous demander ça là, pour l'exposition qui aura lieu du 8 au 30 juin. Alors, du 8 au 30 juin, c'est Pamela Dodd et Diane Fournier qui ont créé un abécédaire analytique intitulé Chronique analytique. En fait, elles ont illustré des mots abstraits. Comme exemple, amnésie, okay. Logique. Ils ont illustré ça avec des formes, des gestuels de ligne. Pamela, elle, a travaillé plus avec les mains, des visages pour illustrer, en fait, le sens de ces mots-là. Ben ouais. Et tandis que, en fait, toutes ces gravures-là aussi, en fait, il y a une image pour chaque lettre okay. de l'alphabet. Et elles sont accumulées ensuite dans un livre d'artistes, c'est ça. Alors, ça donne un très bel effet. Et Liz Parkinson et Denise Blackburn ont abordé un travail de plantes également. Liz Blackburn demeure à un chalet à Beaumont. Alors, elle s'est inspirée de plantes qu'elle a ramassées le long du fleuve okay. Pour faire son travail. Et elle a fait un carnet naturaliste. Et quant à Liz Parkinson, elle a fait de grandes œuvres collées. Qui donne plus l'effet de drap ou de grande nappe. Okay. Elle a voulu exploiter plus l'aspect domestique, mais elle a quand même imprimé sur ses papiers des plantes qui sont considérées comme en voie de disparaître. Pas nécessairement en voie de disparaître, mais qui sont plutôt nuisibles. Ah, disons. OK. Quant à Lise Ménard et Jessie Bossé, elles ont eu à faire le voyage en train l'une et l'autre et elles ont examiné le paysage et elles ont décidé, elles, de refléter le mouvement qui se passe lors du voyage, des images qui sont restées, des instantanés qui sont apparues au cours de leur voyage. Alors, ils ont créé un livre d'artiste qui est déposé sur une table en zigzag et qui illustre justement les scènes là, qui les ont frappées au cours de leur voyage. Donc, quand même, hein, un beau projet. J'imagine c'est assez intéressant de travailler en jumelage comme ça, parce que ça doit nous confronter un peu à notre travail, à des nouvelles idées aussi. C'est très stimulant et je dois vous dire que la période la plus stimulante, ça a été lors de nos rencontres parce que c'est là qu'on s'est découvert. Parce qu'après, pour certains, les contacts ont dû continuer de se faire via courriel parce que la distance était quand Mais même oui. là. Mais on a quand même eu presque une douzaine de jours pour parler de notre travail, comment on voulait amorcer notre travail, comment on voulait le démontrer aussi, qu'est-ce qu'on voulait faire exactement. Alors, on a quand même eu assez de temps. C'était l'exécution du travail qui était la plus longue par la suite, là. On pouvait quand même communiquer par email, On n'est plus jadis. C'est très facile maintenant. Ben voilà, Lisette Thibault, c'est tout le temps qu'on a. Ben merci. Mais Jumelage, donc, dans sa première version, est présenté jusqu'au 2 juin. C'est ensuite, ça, du 8 dimanche. Au 30 juin, la deuxième mouture avec les autres artistes. Donc voilà, c'est en gramme. Merci beaucoup. Merci. On s'en va en pause audio, on écoute la pièce numéro 10. Alors voilà, sous ces notes d'Audioca, je vous dis merci pour cette saison. Je remercie mes collaborateurs, je remercie Jacques Gignac pour son travail à la mise en onde. Je remercie aussi tous les invités qui ont été là dans la saison 2012-2013. Nous, on prend une pause pour l'été, on se retrouve en septembre. Mon nom est Julie Gagné, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et je vous laisse avec Jules Chaumel et Folk d'Amérique.